Bonjour tout le monde, salut, c'est Tortoli et Herbatax. On est là pour Radio Panique, pour l'émission spéciale Couleur Café. On vous fait une émission spéciale Couleur Café en direct du festival, ou plutôt ça sera un peu en différé, mais dans le sens où on va vous faire suivre jour par jour, heure par heure, le petit déroulement de ce festival. Il y aura un peu de tout. Dis-nous Herbatax un peu ce qu'il y aura. Salut Tortoli, salut les auditeurs. Effectivement, J1, on est chaud boubou. On est parti pour 3 jours. On va essayer de vous faire vivre ça à notre façon, à la façon Tortoli Herbatax. On va essayer d'avoir des interviews d'artistes, des interviews des organisateurs et toutes les réactions possibles et inimaginables des bénévoles qui travaillent ici ce week-end et de vous, public, si vous y étiez. Et puis si vous y étiez pas, pendant une heure, vous allez revivre ça. Et voilà, bonne émission et vous allez nous suivre dans nos pérégrinations. Je sais pas comment va se passer cette émission Tortoli, je sais pas comment on va réussir à faire ça, mais on va le faire. Exactement, rendez-vous tout à l'heure, donc vous l'avez compris, on va vous faire vivre de l'intérieur ce festival Couleur Café à Tour et Taxi à Bruxelles. Vous écoutez Radio Panique, c'est la spéciale Tortoli Herbatax de Couleur Café et juste après on va se retrouver après un petit son en fait, mon petit Herbatax. Ça marche, à nous deux Couleur Café, à tout à l'heure. A tout à l'heure, yeah! I go to a club on a Saturday night. I order vodka to make me feel right. The place is back, dancing couples everywhere. Take a seat in the corner and stare. Suddenly I see you are dancing too. Your hips are shaking, I don't know what to do. I wanna talk to you, but my mouth is dry. Oh, why am I so shy? Yabby dabby day, yo, boy, yo, boy. I wanna be a disco boy. I wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. I'm heading to the bar to have another drink. Yes, I need a drink and some time to think. 5 vodkas later, I have a plan. I know I must be brave and act like a man. Like Siberian shaman, I fall into a trance. People come closer to see my disco dance. So come closer too and keep me in view while I'm singing this just for you. Yabby dabby day, yo boy. I wanna be a disco boy. I wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. Yabby dabby day, yo boy. I wanna be a disco boy. I wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. Przetrelem i zbożą to miało. Sam się wlepa po Yes, donc nous voilà, on est à la fin du premier jour à Couleur Café et on est à la rencontre des bénévoles. Tu vois, si je laisse ma bière sur le comptoir, tu vas la ramasser ou... Ouais. Ouais, sans pitié, tu ne demanderas pas. Bah, s'il n'y a plus personne, non, je ne demande pas, ça sert à rien, voilà, quoi. T'as une idée du nombre de tonnes que tu peux envoyer dans les poubelles? Non, pas du tout. Pas du tout. Et t'es plutôt en mode tu ramasses les poubelles sans réfléchir ou alors tu regardes quand même s'il n'y a pas moyen de trouver un petit billet de 5 euros, 10 euros ou une petite chaîne en or? Je ramasse et puis je revois, quoi. Ah. Je fais pas attention, je fais mon travail, quoi. Tu fais pas de tri forcément, quoi. Si, je fais le tri. Si. Bah oui. Mais tu t'en mets un peu dans les poches? Ou t'en mets plus dans les poubelles que dans les poches? Je m'en mets pas dans les poches. Ok, très bien. On reviendra peut-être te voir demain, Laura. Est-ce que tu as un poste, est-ce que tu as un secteur qui t'est attribué? Ouais. Toute la zone ici qui est Papa Fou, rue du Bien Manger et ici le petit village. Et t'es contente qu'on t'ait cloué à ce poste, jeune? Bah, ça nous intéresse plutôt pour partir en camp, quoi, si on part pas en camp. Voilà, ok. Très bien, donc tu fais partie plus ou moins d'une association ou d'une ASBL En fait, je suis un mouvement de jeunesse et en fait cet argent va nous servir à payer notre nourriture en camp. Ok, bah, c'est une belle initiative. Et si je te donne un fly de notre émission Tortelier Herbe Attaque sur Radio Panique, qu'est-ce que t'en fais? Tu le jettes par terre ou tu le mets dans la poubelle ou tu te le mets dans la poche? Ben, ou dans la poche ou dans la poubelle déjà, parce que par terre je devrais quand même le ramasser plus tard. Donc je le prendrai peut-être chez moi, mais j'écoute pas toujours la radio donc. Donc tu vas le prendre chez toi et tu vas le mettre à la poubelle chez toi? Non, parce que ça moi j'écouterai peut-être. Bonjour, ce qui suit est une émission spéciale de Tortoli et Arbatax. Ils ont laissé traîner leur micro pendant le festival Couleur Café. Tendez l'oreille. Ah. Et nous voilà juste devant l'entrée VIP Press. On est avec Brigitte, il me semble, Arbatax, non? Voilà, Brigitte qui contrôle apparemment les allées et venues de l'espace presse. Alors Brigitte, comment ça s'est passé cette première journée Couleur Café? Cette première journée s'est super bien passée, l'ambiance est extraordinaire, le temps est magnifique, les gens sont de bonne humeur, c'est très très gai. T'as refoulé personne à l'entrée de l'espace VIP Press? Quelques personnes, j'ai refusé accès parce qu'ils n'avaient pas droit. Comment t'as procédé? Des coups de coude, des coups de genoux? Non, ils sont très compréhensifs, ils savent qu'ils n'ont pas accès, ils n'insistent pas. Très bien. Eh ben on va revenir, je pense, demain à Arbatax, si ça te convient aussi. On reviendra voir Brigitte pour voir si tout se passe bien à l'espace presse VIP. Surtout si ça convient à Brigitte, moi, il n'y a pas de problème, on repasse ici. À demain, Brigitte, alors. C'est avec grand plaisir, c'est quand vous voulez. On se revoit demain, ciao, salut. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour à Arthur. Parti, ça vient de s'année. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chipu ici. Pas de chichi si tu diras pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde, sont étiquetés pour un. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler clé de pédale sans graisse. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir le sous. Mais ne t'approche pas, Hollande de bon te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton, pour finir au côté des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop. Sinistère, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mec, pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. C'est de la bombe, Sinistère, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. Ça vient de Sunny, tu reconnais la race, alors fais-toi. C'est ça tout petit. Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer. Tu crois que tu les as grosses, mais teste pas double R le tonnerre. L'expert de la maison mère, à qui tu la frappes à l'envers. Négro c'est clair, je suis slay, super bas. Big up à moi-même, tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres. C'est ça que t'aimes chez moi, je me la raconte pour le 9-3. pas, je suis en mission. On ne cherche pas. De toute façon, faut pas que ça traîne, parce qu'on a plus le temps pour ça. C'est pas demain que je passerai la main ou j'arrêterai le combat. C'est clair que je vis que pour ça. Et puis je pense que comme ça, je bouge pas. Plus le temps que j'envoie, tu balances des bons pour pas s'en vanter. Je peux chanter que je roule avec un trou déjanté, pranté. J'en bats ton cou, c'est le scène, nous sommes. Scène, scène, esthère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, sonné. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. Scène, scène, esthère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, sonné. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. Mais non, ici c'est. Sandy, Sandy, fond, fond du flèche. Sandy, Sandy, fond, fond du flèche. Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro. Pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas. Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit. J'lâche pas 9-3. J'suis le droit avec un fond spécial. Ça c'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. Bébé. Scène, scène, esthère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, sonné. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au début. Scène, scène, esthère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Et voilà, ça y est, on est jour 2, J2. Et on se retrouve toujours en direct du festival. On est samedi 26 juin, il me semble, mon Pierre Batax. Ouais, on est samedi. Moi, je m'engagerai pas sur les dates vu que je me trompe toujours dans mes agendas. J2, en forme. J'ai sorti les lunettes de soleil pour cacher les petites cernes de la veille. Et puis ça se présente bien. Hein. D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir des lunettes de soleil. Il fait beau. Les gens ont l'air chaud, boubou, encore aujourd'hui. Je pense qu'on va bien se marrer. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, ouais, comme hier, on va vous faire la même. Enfin, en mieux, toujours. À base d'interviews d'artistes, à base de gens qu'on aura chopés dans le public, de bénévoles, tout ce qu'on peut trouver de plus ou moins rigolo. Voilà, on va se retrouver d'ici peu, quoi, hein, mon petit Arbatax. Yes, on va se retrouver d'ici peu. On a des interviews prévues aujourd'hui. On verra ça juste après. Et puis, on a quoi de prévu aujourd'hui? On a Snoop ce soir, hein. Le vieux Snoop Doggy Dogg, on a Staff Benda Bilili qu'on a déjà passé en émission, on va aller voir ce qu'il donne en live, et puis voilà, on va essayer de trouver des gens marrants. Laisse-moi rire. A tout à l'heure. La Shiva. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la Shiva Gantiva, on est avec trois membres de ce groupe bruxellois. On va vous demander déjà de vous présenter dans un premier temps. Et moi c'est Raphaël. Et tu joues du? Du El Alegre. Ok, très bien. Bonjour, moi je m'appelle Natalia, je joue la tambora, c'est une percussion qui vient des origines afro-colombiennes. Moi je suis CP, je joue la basse. Ok, très bien. Et donc vous êtes un groupe bruxellois formé il y a peu de temps, il y a longtemps. Comment vous êtes tous rencontrés en fait? Qui veut prendre la parole? C'est un groupe qui s'est formé plus ou moins il y a 5 ans, on va dire, et on s'est rencontrés ici, à Bruxelles. On se connaissait déjà en Colombie, certains, mais c'est vraiment ici que les groupes sont nés. Ok, très bien. Et on a un nouveau membre qui vient juste d'arriver. Si tu peux te présenter, dire quel instrument tu joues. Bonjour, je m'appelle Felipe, je joue la guitare dans la Chiva Cantiva. Parfait. Donc on va parler de ce concert qui s'est passé ici à Couleur Café samedi 27 juin. Ça a lieu sous la 26. Ça a eu lieu sous la tente du chapiteau Fiesta. Et quelqu'un voudrait nous en parler, dire comment ça s'est passé vu de l'intérieur, CP? C'était vraiment la fiesta. On a fait bouger les gens, ils ont partagé beaucoup, on s'est amusé super, super bien, quoi. Et les réactions, elles étaient super bien. Et on se sentait vraiment proche avec le public, c'était super cool. Yes, Arbatax, j'ai une question. Est-ce que ce festival Couleur Café, est-ce qu'il a une ambiance particulière? Est-ce que le concert que vous avez fait cet après-midi a eu une teneur, une couleur particulière, justement une couleur pour vous par rapport aux autres festivals que vous avez pu faire ou aux autres concerts? Est-ce que ça représente quelque chose de spécial pour vous ce festival ou il y a eu mieux par le passé? Mais c'est un festival de musique du monde, quoi. Et c'est à peu près presque comme Esperanza où on a joué l'année passée. Donc c'est un peu, oui, c'est vraiment une énergie typique, quoi, pour cette sorte de. Je pense qu'à chaque fois, il a une énergie, le public, il est différent à chaque fois, bah, différent, oui, avec des matises, mais ils sont toujours très contents d'être là et nous aussi de leur retrouver. Mais à chaque fois, c'est spécial. À chaque fois, chaque festival, chaque concert, il a un public spécifique, spécial, avec une couleur différente. On peut dire ça comme ça. Et justement, le fait d'avoir joué en tout premier de ce samedi, le premier concert de la journée, est-ce que c'est pas un peu handicapant dans le sens où il n'y a pas tant de monde que ça pour vous, ou comment? Tu dis qu'il n'y a pas autant de monde pour nous que. Franchement, ça c'est vraiment une grosse mensonge parce que c'était rempli, quoi. C'était vraiment rempli. Mais après, c'est normal parce que c'est un festival qui amène beaucoup de gens à partir du premier concert. Voilà. Et, tu vois, moi, quand tu dis ça, ce que j'ai pensé pendant le concert, c'est qu'on était les premiers groupes et c'était chaud. Quand je m'imagine si on aurait joué plus tard, c'est vraiment, ça me fait vraiment des choses dedans. J'ai vraiment hâte de voir. Ben, j'espère qu'un jour on pourra avoir l'occasion de jouer plus tard, parce que vraiment je crois que les gens aujourd'hui ils étaient chauds, ils étaient contents, ils ont dansé, nous aussi. Et justement c'est ça, c'était chouette, c'est qu'on a dansé tous ensemble. Ouais. Il y a un sort d'inconscient collectif comme ça qui s'est mis entre nous. Et que vraiment on voudrait élargir ça, quoi, et que voilà, bah on attend l'occasion, on est à l'attente. Justement, vous parliez de l'ambiance particulière de Couleur Café, parce que c'est un festival qui regroupe plusieurs styles de musique, des musiques du monde, et peut-être que ça se rapprocherait justement de cette diversité de groupes, de styles musicaux que vous représentez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de tous ces styles que vous avez, de la musique que vous faites? Vous pouvez nous parler de ça? Alors, on va parler des styles. Et on a différents bagages musicaux, chacun. Et alors, les styles, je vais te donner des groupes ou des artistes, quoi. Comme ça, c'est plus facile. Ouais. Ça va plus vite, quoi. Tu vois. Et donc, Fela Kuti, James Brown, Toto, La Momposina, Petrona Martinez. Aussi, on va dire, je sais pas, Rage Against the Machine, Mojarra Electrica. Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau rythmique, on a un mélange de musique afro-colombienne, ouais. Donc qui vient des groupes qui viennent de la Colombie, et d'autres, bien sûr, parce qu'on est contemporain, on est jeune, voilà, donc on a plein de musique rock qui vient s'incruster. Et aussi, on a le côté une petite nuance, une petite matise salsa, un peu, chacun vraiment ramène un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît, ce qu'il a aimé, quoi. Justement, vous parlez de tous ces styles différents, mais comment c'est possible que tous ces styles se soient rencontrés? Comment ça se fait que vous tous vous soyez rencontrés déjà? Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de musiciens vous êtes, à peu près à quel moment vous êtes rencontrés et dans quelle occasion, dans quelles circonstances? On est maintenant 8 musiciens sur scène. Dans un début, on était 4. On était 4 et les 4, on a vécu en Colombie. Disons qu'il y avait 3 Colombiens et moi, je suis moitié Colombien, moitié Belge. D'accord. J'ai grandi là-bas. Et on jouait la percussion juste pour nous amuser, parce que voilà, ça nous amusait. Tout c'était un peu nous rappeler de la Colombie. Et voilà, alors il y a eu une base rythmique qui s'est créée à base de ça et qui s'est agrandie, parce qu'on voulait tout le temps faire une musique de partage, d'amusement. Et du coup, bah, tout le monde qui est venu nous chercher, parce qu'ils voulaient jouer avec nous, quelque part on a voulu essayer. Et les gens qui sont avec nous, c'est parce qu'ils sont venus d'une manière ou d'une autre, par l'amitié, par la recherche. Et donc, s'il y a une chose qui nous réunit, si je réponds bien à ta question, ouais. c'est simplement l'envie de faire une musique de partage, une musique qui est sincère, qui est franche, qui rappelle le partage et qui veut vraiment, voilà, faire sauter les gens. C'est pour ça que le rock, le metal et la salsa et le folklorique et tout ça se retrouvent. parce que voilà, quelque part on est tous là sur scène à vouloir dire aux gens, amusez-vous avec nous et amusons-nous tous ensemble. Est-ce que l'ambiance que vous mettez pendant vos concerts, on peut la retrouver sur un album ou quelque chose comme ça? J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelait Apretao. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Apretao. C'est pas un jour m'avait dit un truc super super clair au niveau d'Apretao aussi. C'est quoi? C'est serré. En fait, ça veut dire serré. Okay. Serré. C'est serré. Serré. Donc ça peut prendre plein de choses. Et aussi le fait qu'on s'est serré pour pouvoir faire le mieux et pour pouvoir faire notre première création. Okay. Et ça a été vraiment serré. C'est aussi après Tao que les gens sont tout proches l'un de l'autre sur un concert. Ils sont très, très proches l'un de l'autre. Ils sont ensemble, vraiment. Ils forment un groupe, le public, avec le groupe. Et nous, on forme aussi un groupe avec tout le monde. Donc, on se sent vraiment tous ensemble. Et ça, c'est pour ça, après Tao. Et c'est notre premier démo qui est sorti, EP, qui est sorti l'année passée. Enregistré près de Louvain avec 5 morceaux, donc c'est petit, mais on est en train de préparer un album. On va enregistrer octobre, novembre, peut-être dans un grand studio, un vrai album pour montrer aux gens, quoi, montrer au monde. Et en plus de cet album qui est en préparation, vous avez aussi pas mal de dates à venir, notamment cet été. Il y en a quelques-unes que vous attendez plus particulièrement? Ouf, on attend tous. Hein. Pour nous, toutes les dates sont vraiment importantes et sont très particulières, chacune, quoi. Mais je pense que voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que voilà, on va jouer au Théâtre de Poche le 3 juillet. On va jouer au Vèvre Festival en Dilbeek, Make It Burn Festival en Vilvoorde. On va jouer au Portugal peut-être. Samplog Festival à Portugal normalement. Et on va ouvrir en octobre la sortie de l'album du groupe Terracotta, un groupe portugais qui a joué ici l'année passée. Et on va faire la sortie enfin on va vous jouer en premier. Oui, on va jouer au Burskerber. Ouais. Et on va jouer où? Non, encore. J'ai pas encore ici les programmes. On va jouer aussi à la tournée mondiale à Halle. On va jouer. On retrouvera les dates de toute façon sur votre site internet, sur le MySpace. Il y a pas de problème. Voilà. Pour conclure juste sur ce festival Couleur Café, est-ce qu'il y a des groupes que vous attendez notamment aujourd'hui si vous restez ou demain ou On attend Femi Tutti avec impatience. Neka. Et le vieux Snoop Dogg, je viens de hip-hop, donc c'est l'ancien que je vais vraiment voir. Okay. Oui, demain, Damien Marley et George Clinton. Important. Ouais. J'ai hâte de voir. Et aussi Manu Gallo. Système Solar, c'est des groupes qui viennent. Chuck Keep Town, on les a vus hier, c'était bien. La fanfare de Belgistan. Le Belgistan aussi, c'était belge, Royland. Vous êtes occupé pour tout le week-end, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Une dernière question, Arbatax. Moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté cette interview pour les auditeurs de Radio Panique et puis pour notre plaisir aussi à nous personnel. Et puis, voilà, juste avant cette interview, on vous avait demandé de choisir un de vos morceaux pour qu'on le diffuse là tout de suite. Donc, à vous de faire le lancement. Et puis, voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les auditeurs. Ciao. Donc, le morceau qui suit s'appelle CP. Voilà. Yes, merci. Yes, nous voilà dans les travées de Couleur Café, on dit Arbatax, on vient de trouver deux personnages, Madame Sida et Monsieur Capote, on va essayer de leur parler. On attaque par Madame Sida. Yes, bonjour, salut, tu joues Madame Sida, c'est ça, hein? Oui, je fais ça pour la prévention de prévention Sida. Donc voilà, on distribue les capotes, le message c'est protégez-vous, et voilà. Et t'as pas trop de problèmes avec ton ami Monsieur Capote? Il a beaucoup de succès, disons qu'il y a au moins toutes les filles qui viennent, qui lui sautent dessus, tous les mecs qui lui mettent la main aux fesses, et voilà. Donc il attire les gens, et donc du coup ça fait passer le message plus facilement, donc parfait quoi. Mais est-ce que tu t'entends bien avec Monsieur Capote? Dans notre historique, non, hein, c'est mon pire ennemi, donc voilà. On va aller voir avec lui comment ça se passe. Salut Monsieur Capote, ça va? Bonjour, vous-même, ça va bien? Ouais, en fait, on était en train de se poser des questions concernant ta relation avec Madame Sida. Bon, elles sont plus ou moins bonnes. Le Sida, c'est une maladie, il faut pas y aller trop brutalement. Parce que, enfin, c'est comme pour tout, on me guérit le mal, mais pas trop malement. Il faut y aller doucement et sûrement. Oui. T'as l'air d'avoir super chaud quand même dans ton costume, non? Et pour me tenir debout, il faut que j'ai chaud, quoi. Et tu te prends des petites mains aux fesses, j'ai l'impression, non? Des petites quoi? Des petites mains aux fesses. Eh, hey, j'arrête pas. Il y a que les mecs qui me mettent la main aux fesses. T'es un peu dégoûté, du coup. Bah ouais. Non, j'ai jamais touché autant de nanas en un an, quoi. Bon, à bientôt, salut. Yeah. saliso bohem isalemi kumuina mwestafu benda bilili wowowowo mbondo munura mwana bakebobayelinkula bebaliyini bibalisilio abibere gitaro zawe bebana bestafu benda bilili nsabemeliyabyo akola kurumbia otalwe yelinkukulambi otalwe mbondo mbondo mbondo mbondo mbondo. Ouais, Arbatax, non mais attends, les places Moi tu vois j'avais deux places et tout et finalement et je me les. Je les ai même pas donné. L'orange stagiaire, il les a pris. Attends, mais j'en ai rien à foutre moi. Les places sont pas à elle. Sont attends, pas à lui. Tortoli, les places, elles étaient pas à toi, t'es bien d'accord? Non, non. Alors franchement, viens pas me casser les couilles quoi. C'est pas vrai, c'était pas pour toi. Mais, arrête Jean-Michel. Les places, elles sont à panique. Elles sont à tout le monde. Arrête de me faire chier, Jean-Michel. Voilà, Tortoli, elles sont à panique. Alors voilà, viens pas me dire que le petit stagiaire il les a pas donné. Mais c'est ce que je te dis. Mais arrête de me faire chier. Je te dis Jean-Michel, les places elles sont à tout le monde. On me dit ouais, il y a deux places. Eh ben non Tortoli, elles sont pas à toi les places. Mais, Non. Là, non mais attends. Eh ben d'accord. Et c'est Laurent, j'emmerde. Non mais attends, je l'emmerde Laurent. Et attends, et parce que Laurent il m'a promis, il m'avait dit ouais les deux places, tu les donnes. Et finalement tu vois ça avec lui. Mais franchement, tu demandes à toi, c'était pas à toi. Alors voilà, viens pas nous remettre ça sur le tapis ce soir. Non mais attends. Hey. Arrête. Bah voilà, bah attends, écoute, on va aller régler ça tout de suite, envoie un morceau et on va régler ça. Les places elles sont pas à toi. Les places elles sont pas à toi, bataille. La radio est en panique, conflit. Oh là, ça m'énerve. Non mais on va pas passer l'émission là-dessus, ah bah Tortoli, voilà, je t'appelle Arvatax, tu vois, tellement j'ai la haine, là, tu vois. Là, franchement, ces places-là, tu les oublies, voilà, c'est mort. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Yeah, stop, Snoop. Top dog, light him off, nigga, burn his shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Look, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey. For my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. smoke weed every day. Bye-bye, Snoop Dogg! Bye-bye, Snoop Dogg! Snoop Doggy Doggy! Bye-bye, Snoop Dogg! Ma soirée, Snoop Dogg il déchirait, c'était bien drôle sa coiffure quand même, mais ouais. C'était un peu comme un caniche, mais bon. Non mais sinon... Non mais sérieux, sinon ça déchirait quoi. Bye bye Snoop Dogg! Bye bye Snoop Dogg! Snoop Doggy Doggy! Bye bye Snoop Dogg! Et ouais, forcément, il y a des petites embrouilles, c'est bon, c'est ça qui est bon. On va retrouver l'homme qui a récupéré les lunettes, t'as récupéré les lunettes de Snoop Dogg, alors ça fait plaisir ou pas? Ah oui, ça me fait super plaisir, je suis super heureux, je passe sur quelle radio? C'est sur Radio Panique, t'es content? Ah, je suis content, oui, je suis super content, je savais pas que c'était un homme aussi généreux, parce que ça doit être des lunettes qui doivent coûter la peau et des fesses. Ah ouais, t'aurais prêt... T'étais prêt à vendre la peau de tes fesses pour les avoir? Ouais. En plus que j'étais en VIP pour regarder le concert tantôt. Donc c'était vraiment, vraiment super quoi. Yeah, c'est cool, comment tu t'appelles? Je m'appelle Zian. Je suis auteur, compositeur et interprète. J'ai composé une chanson Je suis comme vous. Je peux vous faire un petit morceau? Vas-y, tu peux nous la faire, vas-y. Je suis né à 9 décembre. Voilà quoi je ressens. Je me faisais entendre, même si je n'ai pas eu de chance. Je suis comme vous, je ris comme vous, j'ai peur comme vous, je pleure comme vous, j'aime comme vous, je crie comme vous. Ça voilà, un point c'est tout. Voilà. Ziad, bravo mec. C'est en direct ou c'est... Non, ça va être rediffusé plus tard, mais merci Ziad en tout cas, t'as chopé les lunettes de Snoop Dogg et en plus tu vas te faire diffuser à la radio, c'est énorme. Bravo mec. Et c'est diffusé dans quelle région? Ciao. Bye bye Snoop Dogg. Bye bye Snoop Dogg. Snoop Doggy Doggy. Bye bye Snoop Dogg. Yes, il est 2h30, c'est fini, on a quitté Snoop, on a quitté le public de Snoop, on a quitté la zone presse, on est sur le retour. Et là, on serait sur un coup de gueule apparemment, on est avec Laurent devant le stand chez Pépé, on est sur un coup de gueule. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Snoop est un enculé, il a bouffé tous les empanadas, ricotta épinard, et moi j'arrive et il n'y a plus rien, quoi. Franchement, c'est tout pour lui, rien pour les autres. Quoi. Du coup, qu'est-ce qui te reste là? Du coup, t'as eu quoi? Bah, j'ai eu oignon fromage, quoi. Ah ouais, mais on est un peu déçu, c'est vrai que le ricotta... Il a tout pris, il s'est enculé. Hein. Merci Laurent, donc on était sur le petit bémol de couleur café. Merci Laurent, bonne soirée. Ouais, toi aussi. Bye bye. Oh là là là là là là, les amis, troisième jour de couleur café, festival couleur café, on se retrouve, on est déjà dimanche, on est le dernier jour, et hier déjà c'était bouillant, c'était chaud, chaud. Arbatax, dis-moi un peu, ça va toi? Ouais, Tortoli, ça va, impeccable. Je sais pas si les auditeurs vont me reconnaître. J'ai une voix mais massacrée. J'ai massacré ma gorge. C'est sûrement Snoop hier ou je sais pas. Mais ouais, aujourd'hui ça s'annonce plutôt cool hein, vu le programme. Et ouais, c'est vrai qu'hier on avait vécu une grosse journée de folie, notamment ponctuée par l'arrivée de Snoop Dogg. Snoop Doggy Doggy Dogg. Mais attends, c'est pas que pour ça que t'as perdu ta voix. Il y a aussi d'autres choses, c'est pas possible quoi. On s'attend quand même à une grosse journée. Tu seras quand même là, tu seras performant, tu seras en forme. Je serai là. Je vais faire tout ce qu'il faut. si j'ai pas la voix, je vais avoir les mains, je vais avoir les jambes. Et puis de toute façon, on a le mic. Pardon. On a le micro parce que c'est pas à nous de parler aujourd'hui. On va faire parler un maximum de monde. On va essayer d'avoir l'organisation en interview. Et puis voilà, ça va être plutôt reggae aujourd'hui. Donc on va aller voir l'ambiance un petit peu du public. Cette ambiance un petit peu good vibes quoi. Ouais, good vibes sous le soleil, dimanche, que rêver de mieux quoi, ça va être reggae. Surprise, toujours. En veux-tu? En voilà. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve en fait, on est dans la partie VIP press, juste derrière la scène où il y a Damian Marley et Nas qui jouent en ce moment. Et on est avec un membre de l'organisation, un peu pour savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé jusqu'à maintenant. Si tu peux dans un premier temps te présenter. Je suis Irène Rossi, je suis la responsable presse de Couleur Café. Tout s'est passé très très bien, c'était une super émission, je crois que musicalement c'était une émission très très forte. Il n'y a pas eu de soucis, on était bien préparés, le temps était là aussi, donc le beau temps. Et il y a eu forcément quelques soucis, quelques problèmes, tu peux m'en dire un peu plus ? Il faut vraiment en reparler parce qu'on a clôturé ce chapitre. Donc moi je préfère ne pas en parler. On a entamé la fête vendredi, on a trouvé des remplaçants, donc je pense que c'est fini comme ça. Je pense que c'était une belle fête et parlons plutôt de ça. Ok, très bien. En termes de chiffres, de personnes, du public, vous avez accueilli combien de personnes pendant ces 3 jours? Oui, plus ou moins, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais donc vendredi on avait plus ou moins 22 000 personnes. Et samedi et dimanche c'était complet, donc on est à plus ou moins 27 000 par jour. Ok, très bien. Okay. Non, voilà, je trouve ça impressionnant. Je voulais savoir quels étaient vos coups de cœur. Quels étaient vos coups de cœur de ce week-end, ou alors les artistes dont vous étiez particulièrement fiers d'avoir reçu? Voilà, on les entend maintenant, Sanès, Dimmerman, et c'est vraiment fantastique. Je trouve que ça émane quelque chose, c'est vraiment positive vibrations. Nous, on aimait beaucoup déjà le CD qu'ils ont fait ensemble. C'est une belle collaboration, mais je trouve que sur scène, c'est vraiment magique. Et puis plein d'autres petites découvertes comme Indizara ou Fefe, c'était génial le concert. Même NTM, moi j'ai aimé. Moi, je suis flamande d'origine, donc... À la base, ce n'est pas ma culture, mais je trouvais que c'était très, très fort. Indizara, que j'ai vu aussi. Lady Lynn, une Flamande à Couleur Café. Célassou, c'est très chouette. Rox et Ben l'Oncle Soul. Mais bon, je n'ai pas tout vu, malheureusement, mais ce que j'ai vu... Et même Snoop Dogg, c'était vraiment la fête. D'ailleurs, Snoop Dogg qui est arrivé, il y a eu juste 10 minutes, 15 minutes de retard. Vous avez un petit peu patienté, eu un peu peur ou... Non, pas peur, écoute, c'est une vedette, c'est normal, elle ne peut pas arriver à temps, sinon... Je pense qu'elle était à l'hôtel pour regarder le match, parce que c'était les États-Unis, Ghana, ils ont perdu. Il a même fait un petit hymne pendant son concert pour le foot, donc je pense que c'est à cause de ça, mais je ne suis pas sûre. Il n'avait pas l'air si déçu que ça quand même, vu la prestation qu'il a donnée hier soir. Oui, je trouve qu'il a donné, il a donné un bon show, donc il était bien en forme, je trouve. Puis le public à Couleur Café est toujours très chaud. Hein. Je pense que les artistes, ils sentent ça vraiment. Et Neka, hier même, elle était vraiment émue quand elle est descendue de la scène. Donc ça, on a très souvent de nos artistes. Et toi, personnellement, encore là, tu es encore beaucoup dans le travail, il reste encore beaucoup de travail, ou alors tu peux un peu profiter des concerts, notamment celui-ci là qu'on entend derrière? Ben, comme je suis attachée de presse pendant le festival, j'ai beaucoup de choses à faire parce qu'on a beaucoup d'équipes radio, hein, comme vous, et des télés et de la presse qui nous posent des questions, qui veulent des interviews avec des artistes. Donc pour nous, c'est vraiment un travail beaucoup. Mais bon, c'est agréable parce que tous les gens sont très sympas. Très bien. Moi, je voudrais du coup enchaîner sur l'année prochaine, essayer d'avoir quelques informations. Est-ce qu'on a déjà une idée des artistes qui seront l'année prochaine, peut-être des révélations de cette année, qui seront confirmées l'année prochaine, ou alors peut-être un thème particulier qui aura l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Mais peut-être qu'on va faire... Non, je ne sais pas, j'ai aucune idée. On va voir quelque chose, on va faire un débriefing, on va parler de tout ce qui s'est passé. Mais on doit faire... C'est une grande préparation au festival. Maintenant, on va un peu se calmer et faire poser tout ça. Et après, oui, par exemple, Neka était là l'année passée, elle est revenue parce qu'on trouve qu'elle a une place, elle a sous aussi. Donc, voyons un peu l'évolution des artistes. Et... Non, on n'a pas encore d'idée, mais ça serait chouette. Très bien, donc concrètement, vous allez là, les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez profiter un peu... Et profiter de tout le travail que vous avez effectué et vous allez réfléchir d'ici plusieurs mois. Un festival, ça se prépare des mois à l'avance, un an à l'avance. Nous, on est une petite équipe de 7 personnes en fait, mais personne de nous travaille temps plein, mais nous travaillons toute l'année. Donc c'est vrai que maintenant on prend un peu de vacances, hein, parce que bon, il y a aussi beaucoup de post-production à faire, hein. On doit déménager vers nos bureaux par exemple, qui sont à Other Games, on n'est pas ici sur le site. Et, Et après, oui, moi, je vais, personnellement, je vais voir beaucoup d'autres festivals parce que je trouve que ça donne beaucoup d'idées, ça donne de nouveau envie d'aller voir des concerts, d'organiser des trucs, ça donne des idées aussi artistiquement. Et puis après, à partir de septembre, on recommence vraiment. Ok, très bien. Et notamment, sans compter le côté artistique, diffusion musicale, il y a aussi peut-être des coups de cœur que vous avez voulu mettre en avant cette année, notamment le marché dédié à l'année de la pauvreté plutôt. Oui. C'est vrai qu'on avait un thème commun pour notre expo qui s'appelle Cool Art Café et le Solidarity Village, donc les ONG qui sont là. Et c'est vraiment oui, le combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je trouve qu'on a bien réussi, notamment avec l'aide de Delete Fuite, les graffeurs qui ont fait un très beau travail, je pense. Et l'expo, je pense qu'on avait vraiment des artistes exceptionnels cette année, des artistes belges aussi, avec vraiment une histoire derrière eux. Donc, ouais, on va essayer de faire ça, mais bon, il faut trouver aussi un sujet qui peut avoir les deux, les ONG et l'expo. Mais je trouve que c'est une belle réussite. C'est la première fois qu'on a le même thème pour les deux animations, appelons ça comme ça, de Couleur Café. Donc, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la musique, parce que c'est vrai qu'à Couleur Café, il y a beaucoup de choses à voir aussi. Hein. Alors moi, j'aimerais plus ou moins terminer cette interview en vous posant deux petites questions. On dit couleur café, mais alors pour vous, la couleur café, c'est quelle couleur, en quelques mots? Mais je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, j'aime bien le café noir. Et puis, il y en a qui aiment le café au lait. Et puis, il y a bon, les cappuccinos, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'ici, il y en a pour tout le monde. Beaucoup de couleurs, ok. Oui. Et voilà, et enfin, là, ça va être à un niveau très personnel. Si on devait envoyer un morceau tout de suite dans l'émission, pour vous, on devrait envoyer qui? Et vous allez faire le lancement du coup? Ragamuffin de Selassou. Ok. Yes, merci beaucoup et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Félicitations. In New York they want me and I'm gonna be there. That city's calling and I'm gonna be there. In Paris they want me and I'm gonna be there. Spreading the vibe all over, all over. Yeah, I'll rush the lion calling them. Shilly dilly wally dilly dilly. Shilly, shilly, yeah. Shilly dilly wally dilly dilly. Yeah, yeah. The vibe is so right. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So if this my song for you, my friend, you can only see that I can hardly let things go. Oh, oh yeah. So listen to the sound of my voice, your brother send him all my love. He's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound, daddy boys. Rock him up and there's a freedom fighter. He's handling a choice and I know. Yeah. Dear, rock him up and it's a one of the band. What you see is what you really need in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear, rock him up and shall I not fall down? Cause he has the wisdom of a not fool around. But why don't you be good friends and lay around? Yeah. You never had it easy, I know. I still remember you and what we used to have. So if this my song for you, my friend, you can only see that I will never forget. Yeah, anyway. Overboard, yeah. Overboard. De retour pour le festival Couleur Café. On vient de s'écouter un petit Selassou. C'était le coup de cœur de notre dernière interview. Une membre de l'organisation, la responsable presse. On va voir un petit peu, on va prendre la température, savoir si déjà Arbatax aurait retrouvé sa voix. Qu'en est-il? Ça va, je suis présent. je me soigne. Et là, je vais aller soigner surtout mon petit pas de danse en allant direction Fiesta, la scène Fiesta, Wax Taylor. On s'y rend. en marchant sur les gens. Donc ouais, niveau, au niveau de la voix, c'est pas encore le top. On espère que quand même d'ici la fin de soirée, tu auras retrouvé quelque chose. On avance tout doucement dans ce dimanche ensoleillé, très beau. Et on va aller, ouais, comme tu l'as dit, sur la San Fiesta. On va aussi essayer de récupérer une ou deux personnes. S'il te plaît, dis-nous, tu vas voir Wax Taylor là? Du tout, non. Du tout, tu te casses, c'est pourri. Le beatbox avance, t'es beaucoup mieux. Merci. Eh ben les amis, on va continuer, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que le beatbox avance, t'es mieux, qu'on va se laisser abattre. Je suis Arbatax. Arbatax, je te suis si tu trouves quelqu'un. De préférence, une jolie jeune fille. Les interviews, c'est... Les interviews, c'est comme l'amour pour Arbatax. Ça enchaîne les râteaux. Suis, je te suis, vas-y. Dis-moi alors. Arbatax, ça y est, on en a trouvé quelqu'un. Dis-nous Arbatax. On a trouvé un. On a trouvé une personne haut perché, très haut perché pour voir Wax Taylor. Qu'est-ce qu'il va pouvoir. Qu'est-ce qu'il voit d'ici? Qu'est-ce que tu vois d'ici? Je vois une masse de gens en train de lever le bras et de swinguer avec Wax Taylor. Et c'est plaisant ou t'as pas du tout envie de te mêler à la foule? Bah non, mais là tu vois, j'ai une vue un petit peu au-dessus, comme ça je peux voir le mouvement du truc, je peux voir les mecs comment ils interagissent sur la scène et tout. Et t'as surtout une putain d'odeur parce que tu t'es situé au-dessus des poubelles. Ouais, ça c'est le petit côté sympa, mais c'est 100% dégradable, c'est l'avantage de couleur café. Yes! Merci! Come on, come on, Wax Taylor. Wax Taylor on the beat once again. State of mind for the blind line. Check it out. Say yes. Say yes. Say yes. If you think that you should tweak, but you fail. Say yes. For the artists that be keeping it real. Say yes. And if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to blood sucking down, press a man. Say no if you're ready for some buckshot glass. Say no if you're fed up and ready to roar. Say no way, y'all. No way, y'all. This one is for the refugees, the child soldiers, carrying the weight of the world upon their shoulders. The home. A few true microphone is not afraid to raise the fist to use the groove against the opponent. Your performance for the Haitian and rhyme for Rwanda. Kick your foot the Congo on the one for Obama. I bring the drama like a suicide bomber for the people of Tibet and the Dalai Lama. I'ma pass it over cause I'm too vexed to keep on. The kind of crap designed to make you clap yet we weep on. The trees gone cut all across the globe. Can't nobody see we've had a holocaust before. Hey yo, what's the cost of hope and that of a democracy? Liberty, freedom and equality, you follow me? Follow I call to peace now, pivotal, lyrical, spiritual cleansing of minds, the strike script. Say yes. Yes, you think that you should speak what you feel. Say yes. For the artists that be keeping say it real. Say yes. Yes. And if you got the spirit, stand tall and say yes, yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to the blood sucking down, pressing man. Say no if you're ready for some buckshot glass. Say no if you're fed up and ready to brawl. Say no way, y'all. No way, y'all. Lands. Condition red. Repeat. Condition red. This is not an exercise. Repeat. This is not an exercise. Long my eyes been closed and blindfolded. New dawn is rising now. The mind's old enough to know the stuff going on behind our backs. Roll with us, you might get to find the facts. Mind the gap, lift up your voices. Fists up, rejoice. It's a switch in the choices we must make. Plus fake, trust great minds. For the sake of our sons and daughters, yo, let's ride. Next up, fire up on the wicked damn. Pick a blend. One time for the parasites using bricks and pens to follow whims and exploit fellow man. Stay cloudy. Allow me to quote Yellow Man with the Zungo Zungo Zungo Manipulating Boost. Ok, ok, c'est Tortelier Batax. Là, il est super tard. Là, on est dans les bas fonds de couleur café. On est dans le village où il y a tous les magasins, tous les shops. Et là, on avait une petite question qu'on se posait tous les deux. C'est comment les gens font pour acheter des djembés ou des narguilés sur un festival de musique? Qu'est-ce qu'ils en font? Suis-moi, Tortoli. On va essayer de demander justement si ça s'est bien passé au niveau des vendeurs. On se retrouve avec un vendeur du marché de couleur café. On a juste une petite question. On voudrait savoir en termes de masque, en termes de djembé, est-ce que ça s'est bien vendu ? Non, pas tellement. Pas tellement comme cette année. On ne sait pas. On ne sait pas, mais les ventes sont descendues. Mais tu penses que c'est imputable au temps, à la météo, aux gens, le fait qu'il fasse trop beau, du coup, ils veulent pas s'encombrer ? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est dû à quoi. Vraiment, on ne sait pas. On ne peut pas l'imputer à quelque chose. Quoi. Ouais. Mais est-ce que ça reste quand même une bonne année ? Tu as vendu quand même pas mal de marchandises ? Ça va, hein, comme couleur café. Hein, c'est couleur café, bon. On est là, hein, ça va. Ouais. Merci. Viens, on va aller voir les narguilés. Je pense que du côté des narguilés, ça a dû se vendre au moins aussi bien que les jumpés. Comme des petits pains. On y va, go. Donc on a vu que pour les jumpés Herbatax, ça s'est pas hyper bien vendu. Maintenant, on va peut-être tenter une autre méthode. Voilà, voilà, là on se trouve à côté de la tente berbère. Ici, là, il y a des poufs. Il y a des poufs pour s'asseoir. Il y a des lampes, des méga lampes, genre des lampes. C'est énorme cette voix, c'est génial. En fait, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y avait à la fois des narguilés, des lampes qui sont énormes, des tagines. On trouve aussi des babouches. Voilà, la question va être la même que pour notre ami qui a vendu des djembés. On va se rapprocher du vendeur et on va essayer de savoir un peu comment, si ça s'est bien vendu. On aurait une petite question, est-ce que ça s'est bien vendu dans ton stand au niveau des narguilés, des poufs, des... Dis-nous. C'était plutôt pas mal, il y a beaucoup de narguilés qui ont été vendus, les poufs un petit peu et beaucoup de lampes quand même. Beaucoup de lampes, les gens repartent avec des lampes. Ouais, ils repartent avec des lampes, ils attendent la fin de la soirée et ils repartent avec leurs lampes. Très bien, donc bon festival pour toi alors. Ah ben merci, et à toi aussi, à tout le monde. Yes, merci, à bientôt. Yes, on se retrouve devant l'entrée presse VIP. On est avec Brigitte, la dame d'honneur qui nous avait fait la chance de nous répondre lors de ce premier jour. Là, on la retrouve lors du troisième jour, on est dimanche. En termes de bilan, Brigitte, comment ça s'est passé ? Comment t'as vécu le festival de ton intérieur à toi ? Eh bien, c'est absolument superbe. Ça fait 5 ans que je fais le même boulot. Les gens commencent à me connaître et à me dire bonjour, à me dire merci d'être toujours là. C'est génial. Et tes coups de cœur pour cette édition, t'as vu des choses qui t'ont vraiment plu et il y a eu des rencontres que t'as faites qui étaient vraiment géniales. Absolument. Hier soir, en partant, il y a une dame qui, en sortant, elle me dit au revoir, gentille madame. Ça fait super plaisir. Ben merci Herbatax, si vous voudrais rajouter quelque chose. Là, j'aimerais que tu nous parles un peu de la collection de pins et de badges que tu as sur ton t-shirt. Mais en fait, comme ça fait plusieurs années que je viens, chaque fois j'en rajoute. Ah ouais. Ce qui fait que tu as une belle collection sur ton t-shirt et que du coup ton t-shirt est d'autant plus beau. On te remercie Brigitte et on espère te revoir l'année prochaine. Merci gentille madame. Merci. Merci gentille madame. Merci gentille madame et si merci Herbatax pour cette petite émission spéciale couleur café. On était en direct le week-end dernier ou plutôt fin juin, on était en direct de ce festival, on s'est fait bien plaisir. Voilà, ouais, on a compilé tout ce qu'on a pu en une heure, sachant qu'on a du rush et qu'on en avait vraiment pour 2 ou 3 heures faciles. En tout cas, c'était un bon festoche. J'espère que cette émission vous a procuré quelques sensations. Et puis voilà, juste pour vous dire que vous retrouverez le lien pour écouter cette émission en streaming et la télécharger sur le Facebook de Tortoli et Herbatax et sur le site de Radio Panique, www.radiopanique.org. Exactement, vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse Gmail, tortoli@herbatax.com. Herbatax, on est quand même rassuré, t'as retrouvé ta voix, ça fait plaisir. Voilà, progressivement je la retrouve, je serai OP pour les prochains festivals de l'été. Très bien, quant à nous, on se donne tous rendez-vous fin de l'été, ou plutôt août, on verra bien. On va voir comment se passe l'été. Voilà, on vous tient au courant, bonnes vacances Tortoli. Bonnes vacances Herbatax. Ciao Bruxelles. Au revoir. When their duty is to snatch me and arrest my person. Who? The usual suspect, verbal Kaiser Soul say. What? Doing what I must to get by the whole day. Why? Do we have a police protection service?